On va reprendre nos échanges, cette fois-ci avec Claire Lemercier, qui est historienne à Sciences Po et qui a travaillé sur une sociologie historique des institutions économiques de la France du 19e et qui a choisi d'intervenir sur les prud'hommes avant 1890. Merci beaucoup. Ben, comme tout le monde, je suis très émue en me souvenant des discussions avec Sabine à l'occasion d'aujourd'hui. J'ai l'impression aussi un peu d'une reconstitution de Ligue dissoute assez agréable avec Laure et Claude, parce que je pense qu'un des endroits où on a croisé Sabine quand Laure et moi débutions, c'est lors de séminaires de l'IDHE à l'époque, organisé par Alessandro Stanziani autour des relations entre droit et économie dans l'histoire. Et où Sabine avait clairement beaucoup de déclics d'avance sur nous à ce moment-là dans sa réflexion, notamment sur ces questions de droit vivant, de conscience du droit par les acteurs, de circulation ou pas entre des pratiques quotidiennes et des pratiques savantes du droit. Et elle nous a fait bénéficier de discussions très serrées, qui ne laissaient pas indemnes, en fait, qui obligeaient à se remettre les idées en place. Et qui, moi, m'ont fait beaucoup avancer quand j'avais commencé à m'intéresser aux prud'hommes en marge de travaux sur les tribunaux de commerce. Maintenant, je m'y intéresse dans le cadre d'une recherche sur l'apprentissage. Et donc, j'ai choisi d'évoquer ce sujet, finalement, à la fois pour souligner que Sabine elle-même, dans ce livre, il y a tellement de choses, Sabine elle-même consacre une étude dont d'aucuns auraient pu facilement faire un livre en soi, au Conseil des prud'hommes du bâtiment de Lyon, à partir de 1867. D'ailleurs, elle commence avant le reste du livre. Et finalement, c'est une des rares personnes, depuis Alain Cottereau, qui s'est lancée dans une étude sérieuse, empirique, de Conseil de prud'hommes. Je l'ai fait un tout petit peu. Je voudrais mentionner que bientôt, on aura la thèse de Jean-Christophe Ballois-Proyard, qui a regardé de nombreux conseils français, et on en saura encore beaucoup plus. Mais enfin, il n'y a pas beaucoup de monde sur ce terrain. Et je voudrais souligner que, alors même que mon allemand était assez rouillé, donc j'abordais ça avec un peu d'appréhension, j'ai lu les parties du livre importantes pour moi, et notamment cette étude du Conseil de prud'hommes, avec un grand plaisir, parce que Sabine était aussi une pédagogue incroyable. Je pense que c'est peut-être un des seuls regrets qu'on peut avoir vis-à-vis de sa forme de carrière très particulière, c'est qu'elle ne lui ait pas tant que ça donné l'occasion d'enseigner en Allemagne ou en France. Parce que là, on voit que sur un sujet qui n'est pas facile, qu'Alain Cottereau, avec toutes ses fulgurances, ne présente pas toujours d'une façon lisible par des étudiants débutants. Et bien là, à condition de lire au moins un peu l'allemand, Sabine nous fait rentrer dans le quotidien de ce conseil de prud'homme d'une façon extrêmement compréhensible. Donc je voudrais utiliser son travail finalement pour me livrer un autre type de comparaison là, pas tant entre pays, mais entre périodes. Finalement, repartir de ce qu'elle nous dit essentiellement sur la période de la Belle Époque pour voir comment ça permet de poser des questions sur ce qui se passe avant. Puisque moi, j'ai plutôt travaillé sur la période de la Révolution française aux années 1870-1880. Alors, qu'est-ce que dit Sabine dans ce livre en général, mais du point de vue de ce qui est intéressant pour les conseils de prud'hommes français? Finalement, elle dit qu'avant les conventions collectives, il y avait quelque chose comme les conventions collectives, même si on ne les appelait pas ainsi, qui en avait en France aussi bien qu'en Allemagne, et qu'elles couvraient autant de travailleurs pour autant qu'on puisse le savoir, même si elles étaient beaucoup moins visibles. Et donc, comme l'a rappelé Claude, elle travaille sur cette construction d'une visibilité dans un pays et d'une invisibilité dans l'autre, en montrant à la fin du siècle en France cette ignorance mutuelle entre le droit vivant, le droit vécu, le droit construit par les acteurs et le droit rêvé et utopique à ce moment-là des professeurs de droit. Donc elle nous explique pourquoi les choses ne remontent pas de la pratique quotidienne du droit au droit des professeurs. Et puis elle entre dans cette pratique quotidienne du droit, hein, et elle montre donc ce qui était appelé plutôt tarif ou usage, partage beaucoup de propriétés avec ce qui est ensuite appelé convention collective, et notamment donc, que ce sont des choses qui sont négociées entre des collectifs, souvent à l'occasion de grèves, mais avec un rapport subtil et intéressant à la grève, et qui sont dans l'application de ces conventions collectives avant la lettre, les conseils de prud'hommes jouent un grand rôle puisqu'ils se réfèrent à ces textes négociés collectivement pour juger de conflits quotidiens. Et donc moi, ce que je vais essayer de vous esquisser là en quelques minutes, c'est finalement d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe avant, étant donné que avant 1884, en France, les syndicats ne sont pas officiellement autorisés, reconnus, même s'il peut en exister, bien sûr. Avant 1864, il n'y a pas de droit de grève. Donc comment ça marche, cette affaire-là, dans la période précédente? Il me semble que c'est pertinent pour aujourd'hui de regarder cette période, parce que autant Sabine regarde des solutions post-libérales, comme vous l'avez rappelé, autant là, c'est finalement regarder des solutions pendant une période qui a été longtemps caractérisée comme de libéralisme extrême, particulièrement en France, et où on peut reconnaître, on peut tracer des parallèles avec des évolutions qui inquiètent souvent aujourd'hui, l'éclatement de l'entreprise en réseau, en forme de sous-traitance très très complexe, l'assimilation des relations de travail à des relations marchandes, c'est le quotidien de cette période en France. Mais donc, comme l'a montré Alain Cottereau et Sabine le reprend, pour autant, il y a des formes d'action collective, il y a des formes de régulation collective. Alors, en quoi ressemble-t-elle ou ressemble-t-elle moins à ce que Sabine montre à la fin du siècle? Et d'où ça vient tout ça? À quelles conditions ça a pu évoluer vers ce qu'elle raconte? Je vais un petit peu remonter dans le temps, en fait, partir de ce qu'elle raconte très très bien, et je pense que c'est un des apports du livre par rapport aux articles en français qu'elle avait fait avant. Parce qu'il peut y avoir une version paresseuse qui est de dire qu'elle a fait tellement de beaux articles en français qu'on va lire juste ça. Et donc, il y a vraiment des choses en plus dans le livre. Il me semble qu'une des choses en plus, c'est qu'elle raconte très bien la mise en crise des prud'hommes à la fin du siècle. Et j'insiste là-dessus parce qu'on peut évidemment là aussi tirer des parallèles, en tout cas politiques, voire d'analyse de recherche avec aujourd'hui. Là, l'apport de la comparaison avec l'Allemagne, c'est de montrer qu'il n'y a pas de crise des prud'hommes, en tout cas pas sur les points statistiques dits objectifs qui sont mis en avant par les contemporains, au sens où ce qui est décrit comme des symptômes de crise en France existe également en Allemagne, où ça n'est pas perçu comme des symptômes de crise. Le taux de conciliation, on s'inquiète en France qu'il baisse à ce moment-là. Le taux d'information, on s'inquiète qu'il augmente, ou d'appel. Sabine montre très bien qu'en Allemagne, les statistiques sont un peu les mêmes et le diagnostic est très différent. Donc le même geste qu'elle fait sur les conventions collectives, de montrer que finalement, il y en a à peu près autant dans les deux pays, mais c'est vu très différemment. Elle le fait à propos des justices du travail. Et elle montre qu'il n'y a pas de raison majeure en tant qu'analyste aujourd'hui de se dire les prud'hommes, ça marche moins bien en France qu'avant. En revanche, c'est vraiment perçu ainsi par les contemporains. Bon, je pense que c'est un énorme apport de son travail parce que dans l'histoire des prud'hommes, finalement, on est, pour le peu qu'on en connaît... Oui, je vois bien. Oui, je ne peux pas lutter contre cette distraction. Mais continue, c'est pas très important. Non, il y a pas de PowerPoint ce matin. Non. Bon, alors, très bien. Le peu qu'on connaît de l'histoire des prud'hommes, à partir du travail d'Alain Cottereau, qui lui est peu descendu, entre guillemets, sur la période couverte par Sabine, c'est effectivement de se dire, à un moment, ce beau fonctionnement du premier 19e siècle se casse ou est cassé. Et finalement, Cottereau raconte aussi une crise. Donc il me semble vraiment intéressant de lire de près ce que Sabine nous raconte sur cette mise en crise assez délibérée d'où elle vient. Et je pense que ça peut donner lieu à encore plus de recherches autour de ces relations entre l'État, les administrations qui ne sont pas chargées du travail spécifiquement. À l'époque, il n'y avait pas de ministère du Travail, mais qui peuvent y toucher. Les juristes universitaires, la doctrine... et les gens qui font le quotidien des prud'hommes. Parce que finalement, on ne sait pas exactement comment ça se retourne et qu'est-ce qui fait que ça se retourne aussi vite. entre ce que Alain Cottereau décrit comme un âge d'or du droit ouvrier, finalement, jusqu'aux années 1860, où les prud'hommes produisent un droit qui est ancré dans les communautés locales, qui est négocié entre patrons et ouvriers, et où les prud'hommes sont extrêmement bien vus de tout le monde. Et tout le monde dit cette institution est vraiment géniale, et les Anglais, y compris, réfléchissent deux minutes à l'adopter. Et puis, 30 ans après, où, comme le raconte Sabine, on arrive à peine à tenir des congrès de la prud'homie, les prud'hommes ne sont consultés sur rien de ce qui concerne les évolutions du droit du travail, et tout le monde critique leurs statistiques alors qu'elles sont essentiellement identiques à ce qu'elles étaient précédemment. Donc là, je n'ai pas de solution définitive à cette étude de cette transition, mais je pense qu'elle nous appelle à regarder ça de près. J'insisterai simplement sur deux points qu'elle évoque bien, c'est ce changement des relations entre les juristes universitaires et le droit vivant, d'un côté, et puis le changement des modalités de l'action collective. Sur l'évolution des relations entre juristes universitaires et administratifs et prud'hommes, là, je pense qu'il y a beaucoup à faire, parce que Sabine regarde sa période et elle nous montre que, contrairement à l'Allemagne, personne ne s'intéresse aux jurisprudences prud'homales, qu'en outre, elles ont l'air de très mal circuler entre les conseils de prud'hommes également. Et bref, que le droit du XXe siècle ne se construit pas sur ce substrat-là. Et il me semble que là, on a quelque chose de différent dans l'essentiel du XIXe siècle qu'Alain Cottereau a peu regardé et qui est vraiment une floraison de manuels de juristes qui essayent de constituer des codes du travail, des codes de l'industrie, des codes ouvriers à partir de jurisprudence prud'homale. Un des auteurs les plus connus à l'époque, c'est Molo, qui est un avocat parisien, au départ intéressé par les questions de bourse, et qui, à un moment, se rend compte qu'il y a une carrière à faire, en gros, en étant l'homme des prud'hommes, qui compile les jurisprudences, notamment de Lyon, mais pas seulement, et qui est un des inspirateurs de plusieurs lois importantes, notamment sur l'apprentissage, et dont les travaux sont clairement lus dans les conseils de prud'hommes qui sont créés ensuite. Au point qu'un des conseils qui semble les plus ancrés dans la défense d'usages locaux, celui de Nantes dans les années 1850-1860. Quand on gratte un peu, une des références des usages locaux de Nantes, c'est la lecture des compilations d'usages antérieurs de Lyon par cet avocat parisien qui est Molo. Et des Molo, il y en a plusieurs, si j'ose dire. Donc il y a un certain nombre d'avocats, de petits juristes, souvent de province, qui font leur carrière là-dessus. Et donc la question, c'est comment tout ça disparaît, manifestement. Il y a moins ce type de production-là. Si Sabine ne le trouve pas, je lui fais confiance que ça n'existe pas, notamment pour sa capacité à rechercher de façon inventive les sources imprimées et à en tirer le meilleur. Ça n'existe pas, et si ça existait encore un petit peu, surtout, ça n'intéresse pas les administrations qui ne consultent plus ni les conseils de prud'homme ni ce genre de juristes quand il s'agit de changer le droit du travail. Et là, je pense qu'il y a vraiment un tournant intéressant qui est lié à l'intérêt officiel posé par l'État pour les questions sociales, à la professionnalisation aussi des métiers, des questions sociales. Certes, les réformateurs sociaux sont encore des amateurs, mais on peut être réformateur social à temps plein, au fait que les juristes se mettent à s'intéresser à tout ça. Hein, et on peut faire l'hypothèse qu'en gros, les juristes français, en ayant eu marre à un moment de ne faire que commenter le code civil, se mettent à vouloir faire des carrières universitaires de spécialistes du droit commercial, du droit du travail, etc., et se mettent à envahir un terrain qui était finalement concédé complètement auparavant par l'administration et par les juristes universitaires à la pratique. Finalement, le droit ouvrier des prud'hommes, il a aussi prospéré dans une sorte de mépris de l'État et des universitaires pour ces choses-là, qui faisait qu'au quotidien, l'État et les universitaires ne s'y intéressaient pas tellement, c'était des petites choses, des usages locaux, etc. Mais du coup, quand on avait besoin de faire une loi, eh bien, on consultait les seules personnes qui étaient censées connaître ça. Et une sorte de manière de prospérer en étant discret, en étant caché et en étant qualifié de purement technique, qui me semble extrêmement importante dans l'histoire des conseils de prud'homme. Alors, l'autre aspect, évidemment, peut-être plus connu et plus évident de cette histoire, c'est les enjeux d'action collective. Ce qui change à la fin du XIXe siècle, c'est l'occurrence massive des grèves, malgré tout, qui ne dépend pas entièrement du fait qu'elle soit autorisée, c'est la peur sociale qu'elle déclenche, mais c'est aussi les formes d'organisation du patronat, hein, et Patrick rappelait ses échanges avec Sabine là-dessus, les formes d'organisation du patronat pour régler la concurrence, En effet, un des appuis des prud'hommes, et Sabine le montre bien dans les cas qu'elle a étudiés, je le retrouve dans d'autres endroits, c'est l'organisation locale de plutôt petits patrons qui faisaient des chambres syndicales, pas tellement pendant une bonne partie du siècle pour s'opposer aux ouvriers, ni même pour négocier avec les ouvriers, mais pour régler les conditions de la concurrence entre petits patrons. Et cette idée de Schmutzkonkurrenz, de lutte contre la concurrence déloyale, on la retrouve beaucoup en France. Et ce qui se passe au tournant du siècle, c'est que lorsqu'on, notamment l'État, cherche des interlocuteurs du côté du patronat, on ne cherche pas cela. On cherche les grands, on cherche le comité des forges, on cherche les mines, etc., qui n'ont pas du tout ces traditions d'organisation-là. Donc là, c'est aussi un appel à étudier les continuités de l'organisation collective patronale à travers le début et la fin du 19e siècle. Mais je suis un peu stressée par la limite des 20 minutes, comme lors les aussi. Madame la Présidente, il reste combien de temps à peu près ? Ouais, ouais, mais pour savoir. Il reste 5 minutes. Ok, super. Donc, tout ça pour dire que finalement, le travail de Sabine nous fait regretter que Sabine elle-même n'ait pas travaillé sur la charnière des années 1860 aux années 1890. Mais la clarté des questions qu'elle pose et du savoir empirique qu'elle pose sur la fin de la période, ça balise vraiment la possibilité de faire ces recherches-là dans ces deux directions, sur le rapport des juristes au droit vivant avant et sur l'organisation des chambres syndicales entre petits patrons, sa vitalité et sa marginalisation auprès d'un certain nombre d'interlocuteurs à la fin du siècle, qui contribuent clairement à la marginalisation des prud'hommes, puisque les conseillers prud'hommes-patrons, ils sont en général issus de ce monde de la fabrique d'assez petites entreprises. Ils ne sont pas du tout, à l'époque, issus des grandes entreprises à nombreuses mains d'œuvre et qui commencent à avoir une organisation avec de la subordination. Alors, pour terminer cette intervention, je voudrais revenir cette fois vraiment sur la période d'avant, donc celle où on a des prud'hommes qui sont largement reconnus, qui ne sont pas considérés comme en crise, qui sont investis par ces petits patrons de fabrique et entrer un peu plus dans la production de ce droit vivant, plus cette fois dans la manière dont l'administration ou les juristes professionnels la considèrent, parce que là aussi, Sabine, notamment, mais pas seulement, dans son étude des prud'hommes du bâtiment de Lyon, nous donne plein de pistes pour le regarder, et parce que ça me semble vraiment important, vu d'aujourd'hui, de comprendre ce que c'est ces histoires d'usage lorsqu'ils ne sont pas mis par écrit sous forme de liste d'articles. C'est-à-dire que souvent, on imagine que ces usages locaux négociés entre des communautés de métiers appliqués par les prud'hommes, ça se présente comme une liste de choses à faire ou à ne pas faire, un peu comme ce qu'on nous a dit de faire ou ne pas faire ici, et donc comme un code finalement légal. Et simplement, la différence, c'est que ça n'est pas créé par un parlement, mais c'est créé par des assemblées collectives ou petit à petit par la jurisprudence des tribunaux. Et c'est un petit peu ce que a l'air de laisser entendre Sabine parfois, notamment en soulignant que ce droit, il apporte une certaine sécurité juridique aux acteurs, malgré ses origines vivantes, etc., une certaine prévisibilité, par exemple, des décisions prud'homales. Et je voudrais un tout petit peu nuancer ce point, ce qui permet aussi de nuancer l'optimisme d'Alain Cottereau sur ces régulations purement judiciaires et ce droit ouvrier qui se créerait au bénéfice des ouvriers, alors qu'il n'y a aucune organisation collective officiellement reconnue. En opposant deux cas, en fait, très rapidement. Donc, il y a le cas de Lyon pour le bâtiment, mais aussi pour la soie, et d'un certain nombre d'autres conseils de prud'hommes, où il y a ce travail de création de publics collectifs, dont a aussi bien parlé Alain Cottereau, et qui passe beaucoup, encore une fois, par la presse et par l'imprimé, et qui fait que, même quand il n'y a pas, en réalité, de négociation collective entre des groupes, les jurisprudences prud'homales qui sont prises dans des cas individuels sont immédiatement présentées sous forme d'axiomes. Et je lis, par exemple, l'écho de la fabrique dans les années 1845. À chaque jugement individuel prud'homal qui est raconté, est associé une sorte d'article d'usage dorénavant pour la fabrication du velours, la toile, et non le poil, réglera le terme de la condition usagère du travail. Voilà, on a eu une affaire et on a une règle qui en découle immédiatement. Alors évidemment, tout ça n'est pas totalement consensuel, pas totalement immédiatement applicable, mais on voit cette idée que la jurisprudence crée sa propre codification presque tout de suite et que ça peut circuler. Mais ça, ça n'est pas du tout vrai dans tous les conseils de prud'hommes. Et ce qu'on observe bien plus ailleurs, par exemple, pour ce que j'ai regardé de près à Paris ou à Bolbec, mais on a des travaux sur Tarare et d'autres endroits où c'est plus comme ça, c'est plutôt que en fait, les prud'hommes emploient le mot usage lorsque ça les arrange pour parler de manière de raisonner qu'ils veulent garder le plus caché possible. En fait. Les usages, c'est ce qui se passe dans leur tête à chacun ou c'est ce qui se passe dans le huis clos de leur délibération, mais on ne peut pas du tout le traduire en une liste de règles ou en une liste de tarifs qui serait publiquement accessible. On trouve dans ces conseils-là des justifications dans des affaires précises qui mélangent sans aucun problème rapport à la loi, rapport à des usages, rapport aux conventions entre les parties dont ce qu'on sait de leurs contrats qui sont verbaux et rapport à l'idée que le prud'homme sait bien ce qui est exagéré ou non personnellement, voire des grands principes d'équité. On le trouve dans des jugements, des justifications comme ça qui mélangent les registres et on le trouve dans des délibérations entre prud'hommes. Hein, par exemple, une délibération du Conseil des prud'hommes des métaux à Paris, en présence de l'avocat Molo, qui dit « Tout est subordonné aux circonstances, aux conventions arrêtées et aux usages des diverses professions. » Un autre cas où on dit, à propos du délai congé, un cas important abordé par Sabine, par Alain Cotreau, c'est-à-dire ce qui se passe, en gros, en termes de préavis de licenciement, on dirait aujourd'hui. Pour le régler, disent les prud'hommes des métaux à Paris, on doit apprécier les usages, les situations particulières des industries et enfin les conventions des parties. Et donc c'est le cas particulier, c'est le contrat aussi tel qu'il a été négocié entre les personnes et aussi c'est l'usage. Et donc ce qu'on voit pour conclure avec ces cas-là, c'est quand même qu'il y a eu tout un travail important à faire par le mouvement ouvrier et par ces chambres syndicales patronales, pour passer de choses qui se passent dans la tête ou dans le huis clos des discussions des prud'hommes à des choses qui sont réellement négociées et votées tous ensemble vers la fin du siècle, que ça n'allait pas tout à fait de soi. Et pour mieux peut-être caractériser la France vis-à-vis de l'Allemagne, il me semble que ce que montre Sabine vraiment bien, c'est que ce qui se passe en Allemagne, c'est une juridification des relations de travail au début du XXe siècle. C'est l'idée qu'on n'a pas besoin de faire un code énorme parce que les choses sont mises sous forme de droit dans chaque entreprise. Tandis qu'en France, pendant une grosse partie du XIXe siècle, ce qu'on avait, c'était réellement une judiciarisation, c'est-à-dire quelque chose qui donnait une très grande place à ce qui se passait au cœur de la décision judiciaire, avec tous les aléas, du coup, qui pouvaient être liés à qui étaient les juges, quels étaient leurs ancrages sociaux, selon les endroits, selon les moments. Et donc, ce couple juridicisation ou juridification, Verrichtung, comme le dit Sabine, versus judiciarisation, il est encore aujourd'hui beaucoup en discussion sur les évolutions du droit du travail français, comme le montre, les travaux de Jérôme Pélisse, par exemple, montrent qu'on est plutôt en train de déjudiciariser et de juridiciser. Il me semble qu'il est encore trop peu utilisé pour des travaux historiques, que ce soit sur la France ou sur d'autres pays, et que le travail de Sabine nous invite à aller plus loin dans ce sens. Merci. Attention.